step on your feet. This wasn't my goal, but now I need you more than ever. Would you help me on? It was amazing, thanks a lot. N'importe quoi, c'est toi qui te déboîtes, sans boire le pâté, à chaque fois j'oublie que t'es de chez nous. Hein. C'est de la bombe, franchement ça tripe. Et Jay aussi il est pas loin. Donc c'est cool. Encore. Normalement, on a notre copain chanteur qui doit venir, mais il s'est fait arrêter pour l'apéro, je crois. Et il m'envoie quoi? Il me dit lol. D'accord. Bon, c'est peut-être pas ce soir. Hein. Je lui demande s'il est parti, mais bon, non, c'est même pas la peine. Bon, allez, on enchaîne. Moi, les batteries elles sont reloues, elles nous saoulent. Qu'on connaît une bizarre, une genre reggae bourré quoi. Ok non. Attends, j'ai un truc que j'adore, je l'ai pas encore fait trop ce soir, c'est ça. Regarde, ça donne une tonalité. Ré majeur, on le fait jamais. Hop. C'est méga fort, pardon. Et dès que tu prends la relève, je vais le couper mon truc, hein, tu le sais. Dès que je le retrouve. Voilà, il est là, voilà. On s'en fout, la tonalité c'est Ré majeur. Et tu fais ton groove dedans. Je remets mon... Je vais le couper de toute façon. Coming. Sol mineur.